السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل الدروس في أحكام الطهارة وفقهها. طالبا العون من الله ربنا تبارك وتعالى والتوفيق. Continuons l'étude des règles de la purification, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala son aide et son assistance dans nos paroles et nos actions. Et plusieurs personnes demandent s'il y a court tel jour, s'il y a court tel autre jour. Il y a court de la manière la plus normale, bihamdillahi azza wa jal, que ce soit dans les cours, que ce soit dans les heures. Barakallahu fikum. Wal muqaddim wal mu'akhir huwa Allah. Wal ladhi yarfa' wa yakhfidh huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui avance les choses et qui fait reculer les choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui élève et qui rabaisse, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نراجع ما أخذنا قبل إتمام الباب. Nous allons réviser ce que nous avons étudié avant de compléter ce chapitre. Qu'est-ce qui nous résume le cours passé? عندما تفضل صفات الوضوء لكاركتيريستيك للوضوء دي وضوء دي بروفيس صلى الله عليه وسلم. نعم. Et nous n'avons pas cité que la partie qui est obligatoire, mais on a ajouté à Sunan les choses recommandées. Nous avons ajouté les choses qui étaient recommandées. Donc la personne qui s'apprête à faire El Wudu, explique-moi. Quelqu'un vient et te demande comment faire El Wudu. Le Wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Irfa sautak. النية, la personne met l'intention de faire el wudu, cette adoration. Elle dit bismillah. Elle se lave trois fois les mains. Jusqu'où? Jusqu'au poignet. Naam, de se laver trois fois les mains jusqu'au poignet. C'est une obligation ou bien c'est une chose recommandée? C'est une chose recommandée. Naam. Sauf dans un cas. Celui qui se réveille du sommeil de la nuit. Celui qui se réveille du sommeil de la nuit doit se lever, se laver, pardon, trois fois les mains. Ensuite, al-madmada wal-istinshaq wal-istinthar. Il se lave trois fois la bouche et le nez. Et on a cité plusieurs façons d'accomplir cette action. Ensuite, le visage. D'où à où? Ma haddul wajh. Quelle est la délimitation du visage? Du haut du front, à où commence la pousse des cheveux, jusqu'au bout du menton. Pour celui qui n'a pas une barbe fournie. Naam. Et pour celui qui a une barbe, naam, qui ne laisse pas entrevoir la peau, c'est jusqu'au bout de là-bas. C'est jusqu'au bout de là-bas. Et dans la largeur, c'est de l'oreille à l'autre oreille. Naam. Puis, exactement. Puis les mains jusqu'au coude. Les mains jusqu'au coude. Celui qui fait le wudu et qui n'a pas lavé ses coudes, est-ce que son wudu est authentique ou non? Non. Naam. Aïdiyakum ila al-marafiq. Allah Azza wa Jal nous ordonne de laver nos mains jusqu'au coude, c'est-à-dire avec les coudes. Et c'est ainsi que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois? Trois fois. Ensuite, al-mas ala al-ra's. Ensuite, al-mas ala al-ra's. Il passe les mains mouillées sur sa tête. Pas sur les cheveux. S'il est chauve, il ne fait pas. Il le fait quand même. Hein? Donc, à la race, sur sa tête. D'où à où? Du haut du front, où commence la pousse des cheveux à la base, jusqu'à la nuque. Naam. Avec les oreilles. Naam. Avec les oreilles. Et les oreilles font partie de la tête. Il fait cela trois fois aussi? Une fois. Pourquoi pour le reste tu me dis trois fois et là tu me dis une fois? Avant ça. Jazakallahu khayran. Hakadha fa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui nous a été envoyé pour nous apprendre comment adorer notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Si tu fais telle action, qu'on te demande pourquoi, hakadha fa'ala Rasulullah, hakadha amarana Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi les savants disent que c'était une facilité qu'Allah azza wa jal a accordée, car l'wudu est une action qui se répète plusieurs fois. Naam, c'est une action qui se répète plusieurs fois. Et d'avoir à se laver la tête, naam, comprend une certaine difficulté. Car l'eau reste et la personne peut être par la suite sujette au froid, à la maladie et ainsi de suite. Naam. Pour mes, al-udhunayn, pour le fait de passer ses mains, après avoir passé les mains sur la tête, on fait les oreilles. De quelle façon? L'intérieur et l'extérieur. Naam. L'intérieur et l'extérieur. Avec al-sabbab, l'intérieur, et avec al-ibham, les pouces, l'extérieur. Ainsi. Naam. Ensuite, les pieds jusqu'aux chevilles. T'essuies les pieds jusqu'aux chevilles. Ensuite, on lave les pieds jusqu'aux chevilles. Naam. C'est quoi les chevilles? Les deux boules qu'il y a à l'extérieur? Naam. Barakallahu fik. Donc sur chaque, à chaque pied il y a deux ka'ab. À chaque pied il y a deux ka'ab. Ensuite les invocations. Naam. Enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Qu'est-ce qu'il y a une autre invocation? À la fin, comment est-ce que tu dis? Répète. Avant ça. Révise cette dua, tu verras qu'il y a deux lettres en plus. Naam, une troisième. Ahsant, jazakumullahu khayran. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Est-ce qu'on avait ajouté quelque chose à ce sujet? On s'arrêtait là. Taïb. Sunan al-wudu. Vous notez Sunan al-wudu. Et le mieux est de mettre Sunan al-wudu avant Sifat al-wudu. Avant Sifat al-wudu. Comme l'ont fait les gens de science. Et pour une raison, ça ne vient que maintenant. Donc, Sunan al-wudu. Al-muradu bi sunan al-mustahabbat. Ce qui est voulu ici par Sunan al-wudu, c'est-à-dire les actions surérogatoires. Naam. Les actions auxquelles on nous a encouragés et en les mettant en pratique à la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal, tu te verras récompensé, Inch'Allah, mais celui qui les délaisse ne prend pas de péché. Naam, la chose qui est mustahab, qui est mandou, c'est la chose qu'on t'a ordonnée, mais en te laissant le choix. Si tu l'as fait à la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal, tu en seras récompensé. Et si tu la délaisses, tu ne prends pas de péché. Tu ne prends pas de péché. Premièrement, التسمية في أوله. ما معنى التسمية؟ Que signifie التسمية؟ Qu'est-ce qui est voulu par التسمية؟ بسم الله. Et البسملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خيرا. Donc التسمية. Si quelqu'un dit, moi je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il n'y a pas de mal, je ne fais qu'ajouter deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on lui répond? Ça n'est pas ainsi que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Barakallahu fik. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه واختلف اهل العلم في صحه الحديث. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit pas d'ablution pour celui qui n'a pas prononcé le nom d'Allah dessus. Naam, celui qui n'a pas dit bismillah. Et les savants ont divergé sur l'authenticité du hadith. Deuxièmement, qu'est-ce qui nous dit la sunna qui vient, la deuxième sunna, après Tasmiya? Naam. Ok. Rasul Yadayn. J'étais persuadé que tu allais dire cela. Ça n'est pas la bonne réponse. Sache que lorsque tu lèves ta main, ou que tu es juste devant, je te vois. Naam. Quand je ne te donne pas la parole directement, c'est pour laisser aussi Mada, l'occasion aux autres de répondre. Naam, bien que de t'écouter me soit très agréable. Barakallahu fik. Naam. Isti'amal al-siwak. Ahsanallahu ilayk. Est-ce que tu vas les dire? Naam. Isti'amal al-siwak. Qu'est-ce qui met en pratique cette sunna? Il dit Bismillah yastak. تم تستعمل هذا مع السواك الله مستعان كم تجي كيس كي من براتيك سات سنة il dit بسم الله puis يستاك il utilise السواك avant de faire l'autre عمي انت ما تستاك وانت الله مستعان محمد احيانا des fois il est timide, ça veut dire des fois, vraiment des fois. Anta, tu as utilisé le siwak? Des fois, je dire bismillah. Khayran. Est-ce que la prospérance est mentionnée dans la Sunna? Sur nous tous, autant que nous sommes, barakallahu fi jam'ina, aucun de nous, on utilise un siwak avant de commencer le wudu. Si ce n'est parfois. Abdullah, tu as utilisé le siwak? Parfois. Adam, ahdayna ka siwak, tu as utilisé le siwak? Allah musta'an. Indana dha'f. On a une faiblesse dans tatbiq as-sunan. Na'am. On a une faiblesse dans la mise en pratique des sunan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadha qusurun fina. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'inana. Na'am, amin. Tastamilu as-siwak? عند الوضوء لا عند الوضوء أنا أريد مستحب كما تقول لكن هل تستعمله أنت الله يسلحك من بعد الوضوء حسن لكن قبل الوضوء هذا أظهر لا السؤال من يستعمل السواك قبل الوضوء مشكلة Je l'utilise. Jazakallahu khayr. Idan, donc, on a ce manquement auquel il faudra pallier. Naam. Au prochain cours, on se repose cette question. Et tous, on répond quoi? Naam, bihamdillahi azza wa jal, wa i'anati wa tawfiqihi. Oui, par la grâce d'Allah, son aide et son assistance, désormais, on utilise le siwak avant. Al-Wudu. Avant Al-Wudu. Qui n'utilise pas Al-Siwak avant le Wudu car il n'a pas de Siwak? Quoi? Combien? Levez vos mains. Ça veut dire si vous avez un Siwak, vous allez mettre en pratique cette Sunna. Sahih? Vous êtes combien? Compte les Ibrahim. On va tous la ramener un Siwak. Inch'Allah ta'ala. Combien? Il y en a encore qui ont levé la main par la suite. 8, 9, khalas, 15. Wadah, ils sont 15. Mafoum? On est quel jour? On est mercredi. Jeudi au Maghrib, vous venez, Inch'Allah, vous récupérez vous. Ou bien vendredi au Maghrib, vous venez, vous récupérez votre siwak. Jazakumullahu khayr. Il y a un frère qui va vous les offrir. Donc, quelle est la preuve de cela? قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. Si je ne craignais pas que ce soit trop lourd pour ma communauté, j'aurais ordonné l'utilisation du siwak à chaque wudu. Naam. Dans l'autre hadith, c'est à chaque salat. Est-ce que c'est après la salat ou avant la salat? Hein? Avant la salat. Donc ici, quel est le sens le plus apparent? Avant l'autre. Avant l'autre. Comme l'a dit Cheikh Sulaiman al-Rahili, Habidahullah ta'ala. La troisième sunna. Sahib al-Nazara, ant, na'am. Ghassl al-Ladayn, na'am, al-An. Kam marra, combien de fois? Salat amarrat, trois fois. Le fait de se laver les mains trois fois avant de commencer al-wudu. Naam. Jusqu'à quel endroit? Jusqu'à quel endroit? Jusqu'au poignet, l'al-kou'a. Jusqu'au poignet, trois fois. والدليل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ بدأ بغسل الكفين ثلاثا. Muttafaqun alayh. La preuve de cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il commençait al-wudu, se lavait les mains trois fois. Il se lavait les mains trois fois. متفق عليه. أما إذا قام الإنسان من نوم الليل هنا يجب أن يغسل يديه ثلاثا. Par contre, si la personne se réveille du sommeil de la nuit, dans ce cas-là, il lui est obligatoire de laver ses mains trois fois. Il lui est obligatoire de laver ses mains trois fois. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit, lorsque l'un d'entre vous se réveille, qu'il se lave les mains trois fois avant de les faire entrer dans le récipient, car il ne sait pas où ses mains ont dormi. Car il ne sait pas où ses mains ont dormi. Dans le hadith, il n'y a pas cité de manière explicite le sommeil de la nuit. D'où est-ce que les savants ont tiré que c'est du sommeil de la nuit? Pourquoi c'est pas la sieste, par exemple? La journée. Naam. Bata. Naam. Batat yadu. Wal baytu tamin al-layl. Car il y a le mot bata. Il ne sait pas où ses mains bata. Et c'est dormir la nuit. Passer la nuit, si on peut traduire peut-être ainsi. Naam. Donc il se peut que ses mains ont touché ses parties intimes, ou bien une impureté. Naam. Ou bien que Shaytan ait fait quelque chose. Comme a expliqué Al-Sheikh Abdurrazzaq, comme on l'a vu dans notre cours du jeudi. Naam. La quatrième sunna, Al-Mubalaghatu fil madmadah wa l'istinshaq li ghayri sa'i. La quatrième sunna à faire lorsqu'on fait le wudu, le fait d'exagérer dans le fait de rincer la bouche et de se nettoyer le nez, sauf pour la personne qui est en état de jeûne. Illa lis-sa'im, sauf celui qui est en état de jeûne. Naam, sauf celui qui jeûne. Al-mazmada, c'est le fait de mettre de l'eau dans la bouche. Wa idaratul ma'fi. Et le maza, le fait de se rincer la bouche, de faire tourner l'eau dans sa bouche. Al-istinshaq, jadbul ma' binafas. C'est le fait d'inspirer l'eau avec son nez. Naam. Donc, d'exagérer dans cela, de le faire avec pression, on va dire, ou fortement, c'est une sunna. C'est une sunna. قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit et exagère dans l'istinshaq, dans la prise de l'eau avec le nez, sauf lorsque tu te trouves en état de jeûne. Naam. La cinquième sunnah. عندك السنة التي peut te concerner. لا جزاك الله خير. كما tu as dit, le fait de faire entrer l'eau dans la barbe avec les doigts. تخليل اللحية الكثيفة. نعم. Le fait de rentrer de l'eau avec sa main et ses doigts à l'intérieur de la barbe, comment est-ce qu'on va dire ça? Fournie ou bien épaisse. Quand est-ce qu'elle sera considérée ainsi? Quand on ne voit pas, quand elle cache Mada, la peau du menton. Si on la voit, il est obligé de la laver, de le laver. Si on ne voit pas la peau du menton, à ce moment-là, il n'a pas l'obligation de la laver. Yani il il lave, yani il passe jusqu'à, comme on a dit, au bout de là-bas. Donc c'est une sunna. Prends de l'eau, tu rentres ainsi tes doigts. Naam. Ensuite, ماذا? Donc vous avez compris, التخليل, c'est إدخال الماء من خلال اللحية. فالكثيفة هي التي لا تبدي البشر البشرة. نعم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela. La sixième sunnah, c'est la même chose. Le fait de faire passer ses doigts, mais بين الأصابع. تخليل الأصابع. نعم. Donc, la sixième sunnah, le fait de passer ses doigts, le fait de nettoyer ou de passer entre les doigts. Est-ce que ça concerne les doigts de la main? Est-ce que ça concerne les doigts des pieds? Ou les deux? Naam. Comment? Les deux. Naam. Les deux. Car le texte est venu de manière absolue. Yani il a été cité de manière générale. قال النبي صلى الله عليه وسلم وخلل بين الأصابع. Naam. Donc tu fais passer tes doigts ainsi. Yani lorsque tu laves ta main, naam, tu fais passer tes doigts entre tes doigts ainsi. Ça c'est une sunna, ça n'est pas une obligation. Le fait de faire passer, lorsque tu laves la main, tu fais passer ainsi entre les doigts avec tes mains. Voilà. Tu fais pareil pour l'autre main, ainsi. D'accord? Pour les pieds, d'accord? Pour les pieds avec ton petit doigt. Naam, avec ton petit doigt. Tu, comment est-ce qu'on appelle ce doigt-là? L'auriculaire. Et celui-ci? La lunaire. Et celui-ci? Le majeur. Et celui-ci? L'index. Et celui-ci? Tout le monde connaît le pouce. Naam, khinsir al-binsir, al-wusta, al-sababa, al-ibham. Naam. Donc, tu prends celui-ci, le petit doigt, et tu le passes entre les deux doigts de pied. Tu commences par le pied droit et tu commences par la droite. Tu commences par le pied droit et tu commences par la droite. Donc le tout petit doigt de pied. À la base en tout cas. Naam. Et tu remontes. Naam. Et tu remontes jusqu'au pouce. Tu remontes jusqu'au pouce. Ça c'est une sunna. Ça n'est pas une obligation. Ça n'est pas une obligation. Mais, les savants disent, dans le cas où la personne a, pour dire le mot, des pieds spéciaux, naam, dont il se peut que l'on n'atteigne pas certains endroits, dans son cas, ça peut être obligatoire. Mafoum. Donc c'est une sunna. Mais dans le cas où la personne ne peut toucher avec l'eau tout son pied, si ce n'est en faisant cette sunna, elle devient obligatoire pour lui. Pourquoi? Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. C'est ainsi qu'a dit Cheikh Sulaiman Ar-Rahili hafidhahullah ta'ala. La septième sunna, la septième sunna, et il y a une qissa avec Mada, une histoire pour Takhlil al-Asabi' avec l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, et une autre qissa avec Cheikh Mada, Abdul Muhsin al-Badr, hafidahullah ta'ala, qui nous a été raconté, c'est que ce hadith, et qu'une personne a posé la question, est-ce que ça fait partie de la sunna de faire aller entre les doigts de pied? Et il a dit, Allahu alam, ou bien je ne connais pas, je ne suis pas au courant que ceci fait partie de la sunna. Puis à la fin du dars, il y a un élève qui a lu le hadith et a cité la parole de l'Albani, rahimahullah ta'ala. Alors le shaykh a dit, à partir de maintenant, je dis, mais la sunna, le fait de faire cela. Mais la sunna, le fait de faire cela. Pourquoi est-ce que je vous cite cela? pour qu'on s'éduque sur qaboul na'am an-nusus na'am bi tuma'nin, sur le fait d'accepter les textes qui viennent de la révélation. Na'am al-qaboul, c'est muhim jiddan. Lorsqu'on te cite un texte, tu ne discutes pas le texte. Na'am ahlul kibr hum alladhina yunazi'una fi sunnah. Les orgueilleux, ce sont ceux qui discutent les textes du Coran et de la Sunna. Al-kibr batrul haqq wa ghamtun nas. Na'am, al-kibr c'est quoi? C'est le fait de rejeter la vérité lorsqu'elle te parvient. Même si tu as un avis lorsqu'on te cite un verset, tu dois délaisser ton avis et prendre ce verset. Même si tu as un avis lorsqu'on te cite un hadith, donc bien sûr qu'il vient à l'encontre de l'avis que tu avais, tu dois délaisser cet avis et prendre le hadith. Hakadha al-ulama. C'est ainsi que sont ulama, ulama les sunna, les savants de la sunna. La septième sunna, la septième sunna, taqdimul yumna ala al-yusra fil yadayn wa al-rijlayn. Le fait de faire devancer le lavage de la droite sur la gauche pour les mains et les pieds. Naam, pour les mains et les pieds. Pour celui qui a deux mains et deux pieds. Pour celui qui a deux mains et deux pieds. Est-ce que c'est possible qu'une personne n'ait pas deux mains? Naam. Est-ce que c'est possible qu'une personne n'ait pas deux pieds? Bien évidemment. Se peut que la personne soit éprouvée par cette mada, cette épreuve, cette infirmité. Donc, il lave d'abord sa main droite, avec son bras droit et son coude droit, avant de laver sa main gauche, son bras gauche et son coude gauche. Naam. Je suppose que la personne qui a posé ce téléphone-là est nouvelle. Celui qui pose un téléphone, il ne faut pas qu'il vibre. Barakallahu fik. Allah Azza wa Jal augmente notre envie d'apprendre et de mettre en pratique. Donc, quelle est la preuve de cela? An Aisha radiallahu anha. Quelle est la kunya de Aisha? Naam. Umu Abdillah. Naam. Quelle est la kunya du père de Aisha? Indak. Abu Bakr. Naam. Quelle est la kunya du grand-père de Aisha? Je peux lui dire ça. Naam. Abu Quhafa. Naam. Quel est le prénom du père de Aisha? Naam. Abdullah. Quel est le prénom du grand-père de Aisha radiallahu anha? Toi qui t'es gratté la tête. Ma tadri? Il y en a des fois, elle se gratte la tête. Ça fait peut-être venir les ilm. Hein? Ça aide peut-être à se souvenir, Allahu alam. Donc, quel est le prénom du grand-père de Aisha radiallahu anha? Man ya'rif? C'est le même prénom que le troisième calife de l'islam. Là, je vous ai donné la réponse. Uthman radiallahu anhu, son père. Naam. Le père de Abu Bakr s'est converti عند الفتح. Naam. Il s'est converti tard et il avait presque perdu la vue. Il avait presque perdu la vue. Et il y a une histoire qu'on racontera à l'occasion, inshallah ta'ala, lors de sa conversion, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parmi les sunan, contrairement aux idées reçues, le fait de commencer par la partie droite avant la partie gauche, c'est une sunna. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? C'est quoi la faïda de savoir que c'est une sunna? Dans le cas où la personne lave la gauche avant la droite, son wudu il est sahih ou pas? Naam, pourquoi? Parce que c'est une sunna de commencer par la droite avant la gauche. Wadah? Naam. Pour les pieds, c'est pareil. Pour les pieds, c'est pareil. والدليل قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه تيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وفي شأنه كله متفق عليه. عائشة رضي الله عنها نجي. Le prophète صلى الله عليه وسلم aimait commencer par la droite lorsqu'il mettait ses chaussons, lorsqu'il se chaussait, se peignait ou faisait ses ablutions. Huitième sunnah, tathlithu al-ghusli fil wajhi wal yadayni wal rijlayn. Tathlithu al-ghusli fil yadayni عفواً في الوجه واليدين والرجلين. La huitième sunnah, le fait de se laver trois fois, نعم, le visage, les mains jusqu'au coude et les pieds avec les chevilles. De refaire cela et d'atteindre le chiffre de trois. C'est wadah? Donc, l'obligation, c'est de le faire combien de fois? Une fois. Celui qui ajoute à cette fois, que ce soit bien clair, à cette fois-ci, yani, une fois. Hein? N'allez pas dire que l'enseignant de tel mesjid dit qu'on fait sept fois les membres. De toute façon, j'ai l'audio, car celui qui fait ça n'aura pas été le premier à essayer de faire ce qu'il a essayé de faire. Naam. Donc, ajouter à une, le fait de le faire une fois, c'est wajib. Ajouter à une fois. Quel est le jugement d'ajouter à une fois dans al-ghasl? Je répète ma question. Ma hukmu ziyada. Naam. Ala al-ghasl marra. Quel est le jugement d'ajouter au lavage, que ce soit du visage, des mains jusqu'au coude et des pieds, à une fois? Yani on le fait une fois et on ajoute. Ajouter plus qu'une fois, ou le faire plus qu'une fois, pour être clair. C'est quoi le jugement de cette action? Bismillah. Naam. C'est permis. C'est peut-être mieux qu'une fois. C'est permis. Vous êtes tous d'accord? T'es pas d'accord? Qu'est-ce que tu dis, Adam? Comment? C'est recommandé? Vous êtes tous d'accord? Oui ou non? Oui? Toi, t'es pas d'accord? Toujours pas d'accord? T'es d'accord? Oui et non? Qu'est-ce que tu dis, toi? Ça dépend. Ça dépend de quoi, Abdullah? Wa farakallah. Ça dépend du nombre. Jazakallahu khayran. Écoute bien la question. Écoute bien la question. Quel est le jugement d'ajouter à une fois? Celui qui ajoute quatre fois, toi tu dis que c'est permis? Toi tu dis que c'est une sunnah? Donc la réponse c'est ce qu'il a dit. Ça dépend. Quel est le jugement d'ajouter une fois? C'est permis seulement? Sunnah, mustahab. Quel est le jugement d'ajouter deux fois? Sunnah mustahabba wa huwa al-akmal. Donc, entre dans la sunnah le fait de laver trois fois le visage. Il y a quoi qui entre dans le visage? La bouche et le nez. Trois fois les mains. Il y a quoi avec les mains? Les avant-bras et les coudes. Et trois fois les pieds. Il y a quoi avec les pieds? Les chevilles. Jazakumullahu khayran. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة رواه البخاري. ابن عباس nous dit le prophète صلى الله عليه وسلم a fait ses ablutions en lavant chaque membre une fois. En lavant chaque membre une fois. Naam. Est-ce que dans ça, il y a la preuve pour ce qu'on disait? Juste ce hadith-là, c'est une preuve pour dire que de faire trois fois, c'est une sunnah. Donc il y a la suite. Wa thabata fi hadith Abdullah bin Zayd radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a marratayn. Rawahu al-Bukhari ayda. Dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le wudu en lavant chaque membre deux fois. Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? Deux choses. La première, naam, quelle est la première chose qu'on tire de ce hadith? Qu'il a fait le wudu deux fois. Qu'il a, yani, lavé les membres deux fois. C'est que de le faire une fois, c'est al-qadr al-wajib. Et d'ajouter une fois, c'est mustahab. C'est mustahab. Wa thabata min hadith Uthman ibn Affan radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a thalathan thalathan. Et dans le hadith d'Uthman, il a été affirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lavé ses membres combien de fois? Trois fois. D'accord? Trois fois. Donc, en joignant ces trois hadiths, on tire que le deuxième lavage, quel est son jugement? Mustahab. Le troisième lavage, quel est son jugement? Mustahab. Pourquoi est-ce que les savants ont dit cela? Car dans le hadith d'Ibn Abbas, عند al-Bukhari, le prophète sallam l'a fait qu'une fois. Il l'a fait qu'une fois. On comprend de cela que de le faire une fois est le degré, ou bien le nombre de maza obligatoire, minimum, le minimum obligatoire. Donc, l'obligation lorsque tu laves trois fois, c'est à quel moment? Au premier lavage. C'est au premier lavage. Une faïda, yajuzu ghasli ba'd al-a'dha'i marratan wal ba'd al-akhar marratayn. والبعض الأخرى ثلاثا. Sachez que les savants ont dit qu'il était permis de laver certains membres une fois, d'autres deux fois, d'autres trois fois. Naam. Tu n'as pas l'obligation de tout laver une fois, de tout laver deux fois, de tout laver trois fois. C'est permis de laver une fois certains membres, deux fois d'autres et trois fois ماذا, par exemple les pieds. هذا لا يضر. Ça ne nuit pas à ces ablutions. Mais qu'en est-il d'ajouter plus que trois fois? À plus que trois fois. Ma hukm al-ziyada ala thalath. Quel est le jugement de faire plus que trois fois? Indak ammi. Yajuz ou ma yajuz? Est-ce qu'on a le droit de laver les membres de l'wudu plus que trois fois? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dépassé trois fois. Donc est-ce que nous on a le droit? Là, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'augmenter, yani de faire plus que trois fois. Qala Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ou anhuma akhbarani Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anna rajulan توضأ فترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى رواه مسلم. عفوا ليس هذا هو الحديث. الحديث الذي أردت, الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فيه j'ai oublié le lof du hadith. Il y a un hadith dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui ajoute aura transgressé, désobéi et dépassé les limites. فقد اعتدى وأسى وظلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Donc dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait plus que ça aura transgressé. Il aura fait une mauvaise chose et il aura été injuste. فَقَدْ اِعْتَادَ أَسَى وَظَلَمَ وَاللَّهُ أَعْلَمَ. Voici pour Sunan al-Wudu. Voici pour les actions surrogatoires dans al-Wudu. Donc on se recommande à nous-mêmes la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala et de mettre en pratique la sunna que nous avons apprise ou bien que nous sommes rappelés en cette soirée. Quelle est cette sunna? Le fait d'utiliser as-siwak avant de faire al-wudu. Et si ce qui te pose problème, c'est de te déplacer pour aller chercher ton siwak et revenir, laisse un siwak dans la salle de bain ou l'endroit où tu fais al-wudu. Et prends un autre siwak pour le reste. Non, pour le reste, lorsque tu vas mada fil le masjid ou en entrant chez toi ou les autres mada moments où c'est encore plus où c'est particulièrement recommandé, vu que nous avons vu et cité que as-siwak masnoun fi jami' al-awqat. As-siwak c'est une sunna mada à tout moment. C'est une sunna à tout moment. طيب. Le point suivant, nawaqidul wudu, les annulatifs des ablutions. Les annulatifs des ablutions. Nawaqidul wudu. Que signifie nawaqidul wudu? Que signifie nawaqidul wudu? Nawaqidul wudu, ce sont les choses qui, lorsque tu les fais, annulent ton état de purification. Tu perds al-wudu. Naam, tu perds al-wudu. Hiya al-ashya allati tubtilu al-wudu'a wa tufsidu. Ce sont les choses qui annulent tes ablutions. Naam, et te les font donc perdre. Il reste combien de temps? Naam. Awalan al-kharij min as-sabilayn mutlaqan. Al-kharij min as-sabilayn mutlaqan. Donc, tout ce qui sort des parties intimes, des deux orifices, c'est-à-dire devant et derrière. Du sexe et de l'anus. الخارج من السبيلين مطلقا. ما معنى مطلقا هنا؟ أي سواء كان على وجه المعتاد كالبول والغائط أو على غير وجه المعتاد كمن خرج من دبره مثلا ماذا مثلا حجر نعم عصا وكذا على وجه الصحة كالبول والغائط أو على غير وجه الصحة أو على غير وجه الصحة ك دم الاستحاضة للمرأة نعم وسواء كان الخارج طاهرا كالمني أو الريح أو نجسا أو نجسا كالبول. Donc tout ce qui sort de devant ou derrière, naam, de devant ou derrière, annule les ablutions de la personne. Dans tous les cas. Naam, dans tous les cas. Et je vais expliquer ce que signifie ici dans tous les cas. C'est-à-dire que la chose sorte de manière. Yani la chose qui sort, que ce soit une chose qui sort naturellement de la personne, ou bien ماذا qui n'est pas habituel, qui n'est pas normal. Donc la chose habituelle et normale, par exemple, l'urine. C'est normal que la personne urine. Ben, cette chose annule le wudu. Et une chose inhabituelle qui pourrait sortir, par exemple la personne qui fait ses besoins, il se peut qu'elle évacue par exemple une pierre avalée. Ça c'est une chose inhabituelle. Est-ce que ça coupe aussi le wudu? Naam, ça annule aussi le wudu. Wadah. Donc que la chose qui sort soit une chose habituelle chez la personne ou inhabituelle. Mu'tad ou ghayru mu'tad. Donc que ce soit par exemple pour le premier cas de l'urine ou pour le deuxième cas une pierre. Que la personne ait évacué cela en bonne santé ou dû à une maladie. Ou dû à une maladie. En bonne santé, par exemple, l'urine. Dû à une maladie, comme les ménorrhées, l'écoulement de sang inhabituel qu'on peut observer chez la femme. Une veine de laquelle il y a un essor du sang. C'est pas le sang des menstrues. Ça, c'est un écoulement habituel. Il se peut qu'en dehors de sa période, la femme ait du sang qui coule, du sang pur. Naam, cela ne l'empêche pas de prier, cela ne l'empêche pas de jeûner, et n'empêche pas son mari d'avoir des rapports avec elle. Mais l'écoulement de ce sang, est-ce qu'il coupe les ablutions ou pas? Naam, il coupe les ablutions. Et que cette chose qui sort soit pure ou impure. Que cette chose qui sort soit pure ou impure. Pure comme le sperme ou comme les gaz. C'est pas impur. Naam. Et impur comme l'urine. Comme l'urine. La preuve de tout cela, ou les preuves de tout cela. قال الله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم الغائط. الغائط هنا المكان المنخفض من الأرض. كانوا يقضون حاجاتهم فيه ثم أطلق على ما يخرج من الإنسان. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc dans le contexte où on nous dit de faire al-wudu, ou lorsque la personne a accompli ses besoins. Naam, revient après avoir accompli ses besoins. Vous reviendrez à la traduction. Allah alam, la traduction qui a été faite. Al-ra'iq, huna, al-ra'iq, ici, c'est l'endroit qui est qui est caché, rabaissé. C'est l'endroit où ils allaient faire leurs besoins, en fait. C'est un endroit retiré ou caché, rabaissé, dans lequel ils allaient faire leurs besoins. Dans lequel ils allaient faire leurs besoins. C'est l'endroit qui est rabaissé de la terre. Puis ce mot a été utilisé de manière plus absolue. Pour citer tout ce qui sort de la personne. Pour citer ce qui sort de la personne. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ou bien عن صفوان بن غسان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. Dans ce hadith, Safwan ibn Ghassan radiallahu anhu nous dit, Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, lorsque nous étions en voyage, de ne pas ôter nos chaussons, de ne pas enlever nos chaussons durant 3 jours et leur nuit. C'est-à-dire pendant 3 jours et 3 nuits, pas besoin d'enlever les chaussons. Pas besoin d'enlever les chaussons faites de peau ou de cuir. Sauf pour celui qui est en état de djanab. Sauf pour celui qui est en état de djanab. Mais, la personne qui fait ses besoins, donc que ce soit l'urine ou autre chose, ou la personne qui a dormi, ces gens-là n'ont pas besoin d'enlever leurs chaussons. Donc dans quel cas est-ce qu'ils enlèvent leurs chaussons? S'ils sont en état de djanaba, car ils feront à ce moment-là al-ghusl, le grand lavage. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pas besoin pour celui qui fait ses besoins, celui qui va aux toilettes. Na'am. Pour celui qui va aux toilettes et celui qui a dormi. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? Que le fait d'aller aux toilettes ou de dormir fait partie des annulatifs des ablutions. Est-ce que c'est compris? En quoi ce hadith est une preuve? Car ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que vous n'avez pas besoin. Il leur a dit que vous n'avez pas besoin de faire, d'enlever vos chaussons, c'est-à-dire lorsque vous refaites vos ablutions, après avoir été aux toilettes ou après avoir dormi. Car toutes ces choses-là annulent le wudu, et lorsqu'on refait le wudu, on peut faire al-mas' ala al-khuffayn, et c'est le chapitre qui viendra après. C'est le chapitre qui viendra après. Na'am. Incha'Allah ta'ala. On tire de cela que tout ce qui sort de manière naturelle des deux orifices fait partie des annulatifs des ablutions. Un autre hadith an Abdillah ibn Zayd, annahu shukiya ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا والريح طاهر ففي هذا الحديث أن ما خرج من سبيلين ناقض للوضوء ولو كان طاهرا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Abdullah ibn Zayd, nous dit qu'une personne s'est plainte au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle trouvait des choses, qu'elle pensait qu'il lui arrivait des choses pendant la prière. Comme quoi? Comme des gaz, comme des bruits dans le ventre et ce genre de choses. C'est-à-dire qu'elle avait un doute. Elle se retrouve en prière et elle a un doute. Est-ce que quelque chose est sorti ou pas? Est-ce qu'elle a eu un gaz ou pas, par exemple? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, elle ne doit pas sortir de la prière tant qu'elle n'aura pas entendu un bruit ou senti une odeur. Tant qu'elle n'aura pas entendu un bruit ou senti une odeur. Donc, tant qu'elle n'aura pas eu la certitude d'avoir un gaz. Et le gaz, comme le disent les savants, c'est pur, ça ne fait pas partie de najas. Ça ne fait pas partie d'un najas, des choses impures. Car les choses impures, c'est pas nous qui jugeons de l'impureté, mais c'est shara, c'est le din. Na'am, c'est le din qui nous apprend que telle chose est impure. Et les gaz ne sont pas impurs. Donc on tire de ce hadith que la chose qui sort de devant ou derrière, qui, même si elle n'est pas impure, annule les ablutions. Un autre hadith an Aisha radiallahu anha qalat, ja'at Fatimatu bint Abi Hubaysh ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qalat ya Rasulallah inni imra'atun mustahada فلا أطهر أفأضع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض اجتنبي الصلاة أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. هذا يدل على أن الخارج النجس أو على وجه المرض على غير وجه المعتاد يناقض أو ماذا نعم يناقض الوضوء. Donc une femme qui se nomme Fatima, bint Abi Hubaysh, est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, j'ai des ménorrhées, j'ai un écoulement de sang en dehors des périodes menstruelles. Est-ce que je dois arrêter de prier? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, ça n'est qu'une veine, ça n'est pas les menstrues. Éloigne-toi de la prière le temps de tes règles, puis lave-toi, fais tes ablutions et accomplis la prière. On tire de ce hadith que ce qui sort d'impur annule les ablutions. Et ce qui sort quand la personne est malade, également annule al-wudu. Donc dans ces deux cas, que la personne, que la femme ait ses menstrues, ou bien un écoulement de sang inhabituel en dehors de sa période menstruelle, dans ces deux cas, cette écoulement de sang annule ses ablutions. Cet écoulement de sang annule ses ablutions. Voici pour la première chose qui annule les ablutions. Laquelle? Al-Kharij min as-sabilayn. Tout ce qui sort de devant et derrière. Tout ce qui sort de devant et derrière. Ensuite, pour la personne qui est malade, on verra comment est-ce qu'elle fait. La personne qui a par exemple des incontinences urinaires ou bien des gaz, comment est-ce qu'elle fait? Ça viendra plus tard, inshallah ta'ala, dans les cours. Tout ça viendra, inshallah ta'ala, plus tard dans les cours. Et on verra que leur cas se divise en trois. Celui qui répond, moi ça s'arrête pas. Celui qui dit, moi, c'est pas normal, mais ça s'arrête à un moment que je connais. Et le troisième, il nous dit, ça s'arrête à un moment, mais je ne sais pas quand. Ces gens-là auront des jugements spécifiques. La deuxième chose qui annule le wudu, zawal ou l'aql. أو تغطيته بإغماء أو نوم. الناقض الثاني le deuxième annulatif de l'wudu est ce qui c'est le fait de perdre la raison. Ou qu'elle soit couverte, car la personne s'est évanouie, ou dort. Donc la personne qui a perdu la raison, le majnoun, la personne qui s'est évanouie, la personne qui dort le sommeil lourd, toutes ces personnes ont annulé leurs ablutions. Tout cela fait partie des annulatifs des ablutions. Et dans le hadith que nous avons déjà cité, le hadith de Safwan ibn Rassan, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع الخف ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم الشاهد النوم. Donc dans le hadith de Safwan ibn Rassan, on a vu qu'en voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait qu'ils n'avaient pas besoin d'enlever leurs chaussons. Après avoir fait leurs besoins ou après avoir dormi. D'accord? Donc on comprend que le fait de dormir, de ne pas avoir la raison un certain temps, annule al-wudu. وعن علي رضي الله عنه قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن نام فليتوضا. فمن نام فليتوضأ. عفوا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه نجيل القبيل صلى الله عليه وسلم a dit celui qui dort qu'il refasse ses ablutions. Celui qui dort, qu'il refasse ses ablutions. Naam. Comment unir entre ce hadith et le hadith dans lequel Anas ibn Malik nous dit qu'ana ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yanamu wa la yatawadda'u. Comment unir entre ce hadith? On vient de dire qu'on doit faire al-wudu après avoir dormi. Alors que Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dormaient. Ils dormaient. Ensuite, ils ne refaisaient pas leurs ablutions, c'est-à-dire avant de prier. Naam. Par exemple, on va prier l'Isha. On va prier l'Isha. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec les sahaba, il s'est éloigné pour répondre à des besoins des personnes de la communauté. Jusqu'à ce qu'on soit parti le trouver et qu'on lui ait dit, ô messager d'Allah, les femmes se sont endormies et les gens attendent pour la prière. Les gens s'étaient endormis tellement ils ont attendu longtemps le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans se plaindre. Bihudu wa sakina. Naam. Hakadha kanu. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils se sont levés et ils ont prié sans refaire le wudu. Comment unir entre ces deux hadiths? Est-ce qu'il peut y avoir une contradiction entre deux hadiths? Pourquoi c'est impossible? Deux hadiths authentiques peuvent se contredire? Non. Car tout vient de qui? Allah subhanahu wa ta'ala, la révélation. Na'am, walau kan min indi ghayrillahi la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Et si cela venait d'un autre qu'Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de contradictions. Donc, comment unir entre ces deux textes? Indaman. Ahsant. Al-Nawm al-Thaqim. Al-Murad bin-Naq bil-Nawm. Al-Ladhi yanqud al-Wudu wa al-Nawm al-Thaqim. Donc, lorsqu'on parle de sommeil qui annule les ablutions, c'est le sommeil lourd. C'est le sommeil lourd. Lorsque la personne ne sait plus ce qui se dit autour d'elle. Lorsque la personne ne peut pas savoir si elle a eu un gaz ou pas, par exemple. Naam. Alors que le sommeil léger, lui, n'annule pas les ablutions. La personne peut être assise et son menton tape son mada, sa poitrine. Elle somnole un peu. Est-ce que ça coupe les ablutions ou pas? Non. Par contre, le sommeil lourd, ça annule les ablutions. Et dans le doute, fais tes ablutions et tu sors de toute divergence. Et pour finir, في رواية كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. Pour conclure, dans une autre version du hadith, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam attendaient le dernier Isha. C'est quoi le dernier Isha? C'est cette prière-là. Le premier Isha, c'est le Maghrib. Au point où leur tête tombait sur leur poitrine, puis ils se levaient et faisaient la prière sans recommencer l'wudu. Sans recommencer l'wudu. Barakallahu fikum wa sallillahumma barik على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اصلح أمورنا كلها. اللهم اصلح أمورنا كلها. اللهم اصلح أمورنا كلها. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.